cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في الدرس السابق مسألة غسل الكفين قبل إدخالهما بالإناء فماذا قلنا في هذه المسألة أو الحقيقة on a vu deux مسائل نحن فما هي هذه المسائل المسألة في مستحب قبل الوضوء أن غسل الكفين مستحب متى؟ يعني في الوضوء. نعم. On commence par se laver les mains trois fois. On a dit le wajib, ça commence par le visage. Et le visage s'englobe la bouche et le nez. Al-an, commencer par trois fois les mains, c'est mustahab. Ma dalil? Ça c'est un dalil, là c'est pas wajib. Lakin ma dalil, elle a lavé les mains trois fois. Hadith man? Ibn Uthman. نعم. Hadith Uthman. Il est marfou à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a بعد النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا حديث إلى في الصحيحين وهنا يا أمر أو نهي فلا يدخل هذا يفيد الأمر بغسل اليدين فالصحيح ماذا أنه الحكم سواجب هذا على الصحيح يونا في ديتاي هذا ولله الحمد نوم الليل ونوم النهار يعني انديفيرونس لماذا لان لو ريسك في الليل وفي النهار في الحقيقه سي لو ميم ريسك سي ايدور هاي كو سي ما ils ont touché un endroit qui est pas pur فلاف سي ما pour s'écarter du doute enlever ce risque de نجاسه في الحقيقه سي لو ميم قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده والمبيت يفيد نوم الليل أو سي رابور avec نوم الليل لأنه المبيت أي il s'est réveillé et après avoir dormi la nuit فما هو الجواب en général الإنسان dort la nuit et في الحقيقة le sommeil il est lié avec la nuit c'est ça l'asl هكذا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم il a cité la nuit هي خلاف بين أهل العلم والذي يظهر c'est que ça englobe الليل والنهار Aujourd'hui, on prend une nouvelle masala, wa hiya at-tartib. Qala al-shaykh, hafidahullahu ta'ala, qawluhu faghsilu wujuhakum. Ça, c'est le premier membre, wajib, al-wajb. Lakin, avant de détailler masala al-wajb, tout ce qui est rapport avec le wajb, al-shaykh, hafidahullahu ta'ala, il cite une masala muhimma, c'est tartib. Est-ce que l'ordre, il y a un ordre obligatoire, amla? Est-ce que tu es obligé de commencer par le visage? On parle du wajib. Amma nahnu sil an yan sunnah, tu commences par les mains trois fois. Lakin al masala, est-ce que tu peux maintenant commencer par les pieds awalan, tu te laves les pieds, thumma al wajh, thumma les mains. Aw la bud min at tartib al madhkur fi al aya. Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq. Ya nord al wajh ثم les mains jusqu'au coude ثم s'essuyer la tête ثم les pieds l'ordre qui c'était dans l'aya qu'on a répété beaucoup ou c'est à l'ikhtiyar c'est min bab al-afdal c'est ça cette masala at-tartib ay c'est l'ordre qala at-tartib fi al-wudu qala tartib a'dha' al-wudu wa anna al-quran nazala bi wudu murattab wa yu'ayyid dhalik qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ibda بما بدا الله بها خرجه مسلم من حديث جابر الطويل ça montre الوجوب ابدا بما بدا الله به commence parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé par quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset là c'est un nom فاغسلوا وجوهكم وايديكم قال اخرجه ابو داود واحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح جاء كذلك بلفظ الجمع ابدا قال وبين أهل العلم خلاف هل الترتيب واجب مستحب وليس بواجب est-ce que l'ordre c'est obligatoire في الوضوء أم لا قال فالقول بالوجوب منقول عن عثمان ابن عفان وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وأبي ثور وإسحاق ابن رهوي وأحمد برواية مشهورة سأمونتك أحمد رحمة الله عليه لا plusieurs روايات لكن son قول كمشهور ككوني et qui est répondu c'est الوجوب قال كما في الأوسط لابن المنذر هؤلاء رحمة الله عليهم ils ont dit بالوجوب قال قلت والصحيح أن الترتيب واجب لهذه الأدلة من القرآن والسنة من القرآن لأن الله سبحانه وتعالى le verset on a déjà expliqué plusieurs fois comme ils ont démontré أهل العلم أن le verset c'est واجبات الوضوء le verset numéro 6 de سورة المائدة c'est في واجبات الوضوء et Allah سبحانه وتعالى il a cité واجبات il a cité cet ordre الظاهر c'est que c'est واجب cet ordre هكذا يقولون يستدلون بلا الآية والسنة On a cité le hadith « Ibda' bima bada Allahu bih ». قال وقد عارضت هذه الأدلة أدلة أخرى فيها عدم الترتيب. Il y a des autres adillas qui montrent عدم الترتيب. Il y a un ترتيب qui خالف cette ayah. قال لكن فيها ضعف. C'est adillah من السنة. Il y a des hadiths qui montrent autre que l'ordre qui est cité dans l'ayah. الحقيقة فيها ضعف. قال فهي لا تقوى على الصرف ما ثبت في الأدلة المذكورة من القرآن والسنة والحمد لله. Et on avait vu هذا. On avait vu هذا في الأصول. C'est une règle. On a un dalil الآن. Il y a un ordre. Verset de Sourate Maïda. Tu trouves des autres adillas. Il y a un autre ordre. Parmi les moyens de radjuh, tu regardes c'est lequel le asah. La chaque année Sourate Maïda. Le verset. C'est un asah. Tu peux trouver un autre hadith. في ضعف في خالف. Tu peux pas délaisser le verset pour ce hadith qui est un ضعف. Évidemment. لهذا الشيخ il a rajjah أن le tertib qui est cité dans le verset ça montre الوجوب c'est ça l'asl il y en a le verset il est في الوجوب on détaille un peu plus هذه المسألة il l'a cité الشيخ محمد ابن حزام وفقه الله في فتح العلام قال القول الثاني استحباب الترتيب وجواز مخالفة الترتيب وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك Donc le premier qawl c'est madhab l'imam Ahmed et madhab l'imam Shafi'i. Al-wujub. Le deuxième qawl istihbab madhab Abi Hanifa wa Malik. On cite les quatre imams لأنهم leurs aqwal sont mashhoura. Ahmed et Shafi'i ils ont choisi le wujub. Malik et Abu Hanifa rahimahumullah ils ont choisi al-istihbab. Qal wal Muzani wa Daoud wa huwa qawl al-Musayyib wal Hasan wa Ata wa Makhul wa Az-Zuhri wa naqalahu al-Baghawi 'an akthar al-ulama. نعم كأنه سيقول الجمهور قال واختاره ابن المنذر واستدلوا بالآية وقال والواو لا تفيد الترتيب يعني المسألة لغوية إسك الواو يفيد الترتيب أم لا قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا à chaque fois il y a واو et en langue française et lavez-vous le visage et les mains à chaque fois tu as le et en langue arabe le واو إسك هنا يفيد الترتيب أم لا احيانا الواو يفيد الترتيب احيانا لا جاء محمد وزيد ça veut pas dire que محمد il est avant ربما زيد il est devant et محمد il est après لكن les deux ils sont venus جاء محمد ثم زيد ثم يفيد الترتيب اما الواو ça peut être الترتيب ça peut être غير الترتيب قال والراجح هو القول الاول ça c'est ترجيح شيخنا حزام حفظه الله il a choisi le قول بالوجوب c'est صحيح قال لأن الواو وإن كانت لا تفيد الترتيب نعم même si الواو لا تفيد الترتيب ça veut pas dire que الترتيب il est pas واجب لأن il y a des autres أدلة قال ولكن الآية قد أفادت الترتيب بقرائن أخرى تقدم ذكرها والله أعلم وهو ترجيح الشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما donc الشيخ بن عثيمين et الشيخ مقبل ils ont choisi الوجوب et c'est صحيح الخلاصة أن الترتيب في الوضوء لواجب ابدأ بما بدأ الله به. Donc on suit le tertib. فالمسألة التي بعدها قال الشيخ حفظه الله وجوب الموالاة في الوضوء إلا لعذر. الموالاة on l'explique une fois, tout le monde cite le mot en arabe. الموالاة أي c'est la continuité. مثلا un frère il fait le wudu, il commence trois fois les mains, ثم la bouche et le nez, ثم le visage, ثم il est interrompu par quelque chose. Cette interruption elle va être de deux sortes. Un udr ou il n'a pas d'udr. Un udr, maintenant, il n'y a plus d'eau. Il y a une coupure d'eau. Donc, il sait, il connaît un endroit où il y a de l'eau. Maintenant, il y a un puits à quelques mètres. Donc, il n'a plus d'eau. Donc, il va, il sort, il re-remplit l'eau, il revient. Ça, c'est udr. sans udr, il a l'eau, il a tout ce qu'il faut, lakin, il s'arrête et matalan, il donne un coup de fil qui n'est pas important. Il téléphone, il parle pendant 5 minutes, il éteint son téléphone et il revient. Al-an, on va voir 3 qawl. Wujub al-mu'ala, c'est obligatoire. Un deuxième qawl, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Un troisième qawl, t'as le droit de reprendre le dos que tu l'as laissé si ton interruption elle était bi-udr. Ça te donne 3 aqwal. Premier qawl, c'est wajib, ala kulli hal, udr ou pas udr. Deuxième qawl, c'est mustahab, ala kulli hal. Troisième qawl, tu reprends ou tu t'es arrêté si tu t'es arrêté pour un udr. قال أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit retourne refais le dos. Il a laissé une partie dans son pied. تعلمون أن lavage des pieds est wajib. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cet homme, mawdi' dhufur, un endroit. Un endroit. Tu laves tes pieds, et maintenant il y a un petit endroit, c'est sec, il n'a pas été touché par l'eau. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit refais le dos. Il lui a pas dit reprends à ce moment. Il lui a pas dit refais les pieds. Ça montre que al-mu'ala est wajib. On va voir que le hadith est mu'ala, mais il y a des autres hadiths qui prouvent. Wajhu l'istidlal, cet homme il a fait le dos. Il manque une partie du pied. Il sort de l'endroit où il a fait l'eau d'eau, il rencontre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit il y a une partie qui n'a pas été touchée par l'eau. Il lui a pas dit relave tes pieds. Il lui a dit refais l'eau d'eau. Ça montre que cette coupure, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas acceptée. Il lui a dit refais. Ça va être délire. Ceux qui disent bil wujub. Voilà aussi il oublie. Voilà il n'a pas fait volontairement. Il doit refaire et. Dès qu'il commence par les mains, il doit finir jusqu'à les pieds, laver tous les membres obligatoires. Il a cité une faïda à l'imam Nawawi. Il y en a 7 tomes l'an. Ils lui ont démontré un Nawawi, il doit refaire le dos. Ça montre qu'il y en a celui qui n'a pas lavé un membre, ou une partie d'un membre, ou là où il n'a pas fait exprès volontairement, il doit refaire le dos. قال النووي في الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعطاء طهارة جاهلا لم تصح طهارته. Quand il y a un moi, peut-être dans ma vie, l'achat que j'ai déjà fait le dos et j'ai oublié un membre, ou une partie d'un membre. Si personne ne t'a démontré et t'a pas vu, ça. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. La yukallifullahu nafsa la wuz'aha. Ça, c'est pas dans ta capacité. Lakin al-an, t'as fait le dos. Un frère, il te voit, il te dit, ya akhi, il y a une partie de ton pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Et en même temps, tu regardes et ça y est. Tu vois maintenant un bout de ton talon, ou un orteil, ou al-muhim, une partie qui n'a pas été touchée par l'eau. Et à l'heure, là, il y a juste là que tu dis, sœur, moi, j'ai pas fait exprès. Là, il refait l'eau. Il refait l'eau. Donc, il y en a. Le wajib, c'est que tu laves tous tes membres qui sont wajib. C'est ça. Donc, il y a un masalat mu'ala. On revient à masalat l'ordre. قال الشوكاني في حديث ارجع فاحسن وضوءك يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a pas dit, lave tes pieds. Il lui a dit, amarahu bil i'ada. Ou bi ihsan wudu. قال وقد اختلف أهل العلم هل الموالاة واجبة أم مستحبة. الشيخ سترتيب إلى جيد الآن يتمنخ أولا اسكست مسألة لدي أصول في السنة أو في القرآن. الشيخ إلى سيتي كالكو أحدي لأثر دو عمر لحديث دو معقيل بن عبيد الله إلى سيتي حديث أنس عن قتادة إلى غابورتي ثم إلى كونكلو أن الحكم إلى ثابت في توتسي طرق ونرى أن سيختان دو سي أسانيد فيها ضعف. الآن سكوى الحكم. قال فقال جماعة من أهل العلم إنها مستحبة. هذا قول. C'est pas obligatoire. ولو il y a une coupure, tu reprends ou que tu t'arrêtes et le wudu est صحيح. قال كما في الأوسط لابن المنذر. وقال آخرون بأن الموالاة واجبة وهذا هو الراجح للأدلة المذكورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل avec tous les آثار qui ont été cités, ça appuie le hadith qui est mon coq que n'am ou illa bil waqf, et ça l'appuie en haqiqa toute cette ruk an al amr bil i'ada, ça montre que le mouala est wajib. Ça serait pas wajib, il aurait pas dit refais le dos ou ahsin wudu'ak. Là, il aurait dit lave l'endroit. Il aurait dit cet endroit où il manque de l'eau, lave-le avec de l'eau et kafa. Là, al amr bil i'ada, ça montre le wujub. Al qawl hada il est aqrab, c'est le rajih insha Allah. Qala shaykh al islam ibn taymiyyah رحمه الله كما في الفتاوى الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال. Et c'est ce qu'on a cité avec le titre. Trois أقوال. par rapport à l'mouala, la continuité, est-ce que tu as le droit de faire une interruption amla? Tu reprends du début ou tu continues? Qala al-awwal al-wujub mutlaqa. Il n'a pas le droit de s'arrêter à la kulli hal. S'il s'arrête, c'est pas qu'il n'a pas le droit. S'il s'arrête, il reprend du début. هذا قال كما يذكره أصحاب الإمام أحمد الظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي القول القديم للشافعي لأن الإمام الشافعي القول القديم للقول الجديد beaucoup de مسائل الإمام الشافعي est revenu dessus donc il avait des anciens أقوال ils appellent ça القول القديم أو المذهب القديم للشافعي ثم il est revenu sur certains أقوال et ça montre son علم et son إنصاف. Il est revenu et ça a donné son madhab jadid. Faliyada fil kutub, quand tu vois al-qawl jadid, il a délaissé l'ancien qawl, il a pris un nouveau qawl. Donc premier qawl, wajib mutlaqan, c'est obligatoire. Si tu t'arrêtes, tu refais. Qala al-thani, adam al-wujub mutlaqan. Si tu as une interruption, que ce soit avec une excuse ou sans, dès que tu reprends que tu t'es arrêté. C'est mustahab de reprendre au début. Qala adam al-wujub mutlaqan, kama huwa madhab Abi Hanifa, wa riwaya an Ahmad. والقول الجديد الشافعي هذا وزي بيك الإمام الشافعي لا في قول ستوجوب واجب مطلقا ثم إلى دلسة قول إلى شوازي القول أبو حنيفة رحمه الله أنه سبا واجب مطلقا قال الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر سواجب أي لا continuité sauf si il a été interrompu par il a عذر on a donné l'exemple مثلا il n'y a plus d'eau مسألة combien de temps cette interruption ça t'a-t-il معنا الآن Inch'Allah. قال شيخ الإسلام قلت وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة. Parmi les adillah qu'il a cité, قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Son استطاعه c'est هذا. Il a appuyé avec ces adillah et il a démontré أن قول الإمام مالك c'est l'أقرب. قال الشيخ الحزام قال النووي رحمه الله التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. Première chose, une petite coupure ça fait aucun mal بالإجماع. Comme on a dit, tu fais le wudu, tu arrives au visage, واحد t'appelle, tu te retournes. Il te dit inshallah dès que tu as fini le wudu, tu viens me voir. Tu continues. La coupure elle est de 10 secondes, 15 secondes. لا يضر بالإجماع, tu continues. قال أما التفريق الكثير فاختلفوا فيه على قولين. Amma, les longues coupures, il y a deux qawl. Tu dois refaire le wudu ou tu ne dois pas le refaire. C'est wajib ou c'est pas wajib. C'est ce qu'on a vu dans la risale. Donc, al-muwala le wajib. Et la continuité dans le wudu. On n'a pas le droit de s'arrêter, sauf une interruption. Yassira, on a donné un exemple. Là, attends. Là, il y a une grosse interruption là. Illa li udr. Celui qui a udr, il a udr. Il ne refait pas. Celui qui n'a pas d'excuse, s'il a interrompu son wudu, quand il revient pour faire le dos, il recommence par le début. هذا القول صحيح قول الإمام مالك رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية لا رجح هذا القول. الآن باقي ضابط التفريق. ضابط التفريق. أي c'est quoi une longue interruption? بعض العلماء vous allez voir ils ont cité des ضوابط. أي une définition pour que tu saches c'est quand tu dois refaire. Si t'as pas d'ordre. قال الإمام النووي وفي ضبط التفريق أي لا مسألة numéro 2 page 187 de فتح العلام قال النووي رحمة الله عليه في ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه 4 قول قال الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين أي دو ممبر الزمن يجب فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير وإلا فقليل دو ممبر. T'as lavé ton visage. Le membre après le visage, c'est la main. La main jusqu'au coude. Avec le bras et la main. Al-an, t'as lavé ton visage. T'as une coupure. On n'est plus dans udr ou pas udr. On a vu ce masala. Al-an, on veut savoir, faqat, c'est quoi l'interruption qui est dite longue pour l'ulama. Hatta, on fait la différence entre une petite coupure et une longue coupure. Le premier qawl, et c'est un qawl tayyib, ils ont dit, si tu te laves le visage, t'as une interruption. Avant de commencer les mains, ton visage il a séché. Ça, c'est une longue interruption. Maintenant, je me lève le visage, j'ai une interruption de quelques secondes. Mon visage, il est encore mouillé. Pour eux, ça, c'est une interruption, elle est petite, elle est courte. Maintenant, tu te laves le visage et tu as parlé, ton mat est sorti, tu es rentré, ton visage il a séché. Bichar, ils ont mis, anna al-jaw il est mu'tadil. Et chaque fois, il est mu'tadil, justement. Les anna, si tu fais le dos au soleil, et il y a une grosse chaleur, le soleil il tape fort, alors au bout d'un quelques secondes t'as séché. Là, هذا الحال لا الضابط اللي بقى هم يزومي هذا أن الحال كما قال مع اعتدال الزمان الجو الطيب مثلا أنت dans une pièce الجو الطيب لا شك c'est pas comme tu es au milieu du désert et le soleil il tape, il y a un فرق. هذا ça montre l'interruption elle est كبيرة. Si le jour il est معتدل et son visage il a séché, il refait le dos du début. Sauf s'il a une excuse. واستقرب العلامة العتيمين الوجه الأول وقال العرف قد لا ينضبط. قول شيخ ابن عثيمين الطيب. Sur Al-Taymin, il a choisi le qawl. Si ça sèche avec un climat normal, khalas, c'est une longue durée. Tu refais. Et il a montré un al-urf, qad la yandabit. Maintenant, dans un pays, ça va être, ils vont penser, même dans le pays, dans le village même, dans la même famille, wahid va dire, moi, 5 minutes, pour moi, c'est long. Un autre, il va dire, là, ben, 5 minutes. Un autre, il va dire, 1 minute. Un autre, il va dire, 2 minutes. Voilà. Le dhabit, anna, le membre, il sèche, il est tayyib. Faïda. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ماذا إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة ça c'est une faïda si la coupure même si elle est longue c'est par rapport à l'eau de lui-même tu refais pas enfin, l'interruption qui fait du mal c'est quelque chose qui est étranger à l'eau d'eau قال مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا مثلا une interruption par rapport à l'eau d'eau مثلا il est arrivé à l'avant-bras. Il se rend compte que son avant-bras droit, il y a de la peinture. Ça a un rapport avec l'eau d'eau, l'âne. Il y en a l'eau, elle doit toucher le membre, et la peinture, elle empêche de toucher. Et Adelhal, il enlève la peinture. Il va peut-être mettre 5 minutes, 10 minutes, là, bas. Dès qu'il a fini, il continue. Il arrive à l'avant-bras, qadarallah, il n'a plus d'eau. Il sait qu'il y a un puits. Adelhal, il prend son récipient, et il va, et il remplit, et il revient. Même ça met 10 minutes, et il revient, et continue. لماذا لأن هذا الأمر إلى rapport avec l'eau d'eau c'est pas une chose qui sort de l'eau d'eau حقيقة tu fais rentrer ce قول في العدر قول l'imam مالك أنه il a une excuse أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما مثلا dans son thawb il fait l'eau d'eau il se rend compte que son thawb il est sale il a du sang s'il prend du temps à nettoyer ce sang et ses membres ils sont devenus secs il refait l'eau d'eau. L'Anna, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut finir l'eau d'eau. Dès qu'il a fini l'eau d'eau, il rentre chez lui et il change de trou. Vous avez vu la différence? Amma l'eau, il manque de l'eau. Là, c'est rapport avec l'eau d'eau lui-même. Adelhal, il est excusé. Cheikh Ibn Uthaymeen, il est qawl. Charh al-Mumti' li Cheikh Ibn Uthaymeen, en plusieurs volumes, il est nafi' jiddan. Inch'Allah, on résumera ce dars de Al-Mu'ala, le prochain cours, l'Anna, dhahaba al-waqt. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.